se trouve, que seule ta puissance peut. Et répurer un être, et fondre un cœur de pierre. Jésus fait à tout, et je le dois tout. Péché, crois-moi, il m'a lavé comme Jésus, je paye à tout, et je le dois tout. Mais péché, crois-moi, il m'a lavé comme je n'ai rien de bon, rien du tout, pour réclamer ta grâce, la vérité. Je blanchirai mes corps, moi dans le sang, dans le sang de l'agneau. Jésus, je paye à tout mon amour, et je le dois tout, mon sauveur. Mes péchés, crois-moi, il m'a lavé comme Jésus, je paye à tout, mon Dieu, et je le dois tout, ma lumière d'elle, mes péchés cramoisés, elle m'a lavé comme Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous te disons infiniment merci ce soir. Ton amour pour nous est une réalité. Une puissance qui nous soutient et nous secoue, qui éclaire notre chemin et suscite l'espérance. Nous donne la joie que le monde ne peut nous offrir. Nous apporte la consolation scripturaire, sachant que là où nous marchons, il y a eu des saints d'autrefois qui sont passés par là. Et aussi, les enfants de Dieu dans le monde entier sont soumis à des mêmes commandes. Les mêmes épreuves que nous, et nous sommes encouragés. Nous nous attendons maintenant à Dieu. Pardonne toutes nos insuffisances. Là où nous sommes défaillants, nous n'avons pas répondu au rendez-vous. Nous pas à la hauteur. Seigneur, c'est toi Elohim. Dieu tout suffisant. À qui on n'a rien à reprocher. Mais revenons à toi pour recevoir ta nature. Accueillir la nature céleste. Accueillir la nature divine. Revêtir l'homme nouveau. Jésus-Christ le parfait. Reçois nos prières. Même celles qui sont mal présentées. Lorsque le sang de Jésus nettoie. Nos langues sont imparfaites. Christ est le meilleur médiateur. L'avocat des saints. Intercède par des soupirs. Accueille ce que nous t'offrons, Seigneur. C'est notre façon de te retourner l'amour que tu nous offres. Ne nous rejette pas, ne nous tourne pas ton visage. Donne-nous recevoir ce que nous sommes. Et que toi, Jésus, tu agrées ce qu'il faut. Nous rendons meilleur qu'avant. Nous nous attendons sincèrement à toi. Pour que tu exhortes nos cœurs. Que tu les stimules à tes pieds. Amen. Et que tu les fortifie puissamment. Et tu es là dans l'homme intérieur. Pour ton service et pour ta gloire. Combat pour nous l'ennemi. Triomphe de lui sur toute la ligne. Montre-nous tes victoires. Le grand héros parmi ton peuple. Le tout-puissant conquérant. Dieu invincible. Dieu tout capable. Nous t'adorons. Nous te supplions. Nous t'invoquons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous nous attachons à toi. Lève prendre notre fidélité envers toi. Lève la foi envers ton nom. Le nom puissant. Qui nous garde. Qui nous fait triompher. En Christ Jésus. Oh Seigneur. De faire ses onctions. Ta puissance qui visite. Nous ne voulons pas être froids. Car nous ne sommes pas venus dans une chambre froide. Nous ne sommes pas venus pour somnoler. Nous ne sommes pas venus ici pour nous ennuyer. Ni pour compter les minutes. Nous sommes venus te servir et te prier et consommer. Au nom de Jésus-Christ. Bénis-nous. Amen. Fortifie-nous. Guéris-nous. Change-nous, Seigneur. Transforme-nous. Élève-nous. Oui, Seigneur. Amène-nous au sommet. Nous-mêmes, nous pouvons arriver. Tu es la main puissante. Tu épargneras de tout de suite. Tu t'enseigneras dans le Seigneur Jésus-Christ. Exauce cette prière. Et toutes les prières des enfants de Dieu. En purifiant nos cœurs, en les touchant avec une confession sincère, répondant à l'ancienne mode, une expérience fraîche avec Dieu. Nous voulons vivre cela, Seigneur. Ce n'est pas un Dieu mort, il est bien préhistorique. Il est bien présent ici. Dieu qui apporte la paix, la réconciliation avec Dieu. Pour l'humilité à l'ancienne mode. Pour celui qui s'est revenu à Calais. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions ici. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. En guise de l'exhortation de ce soir. Dans Matthieu au chapitre 7. Dans Matthieu chapitre 7. Nous prenons le verset 7 jusqu'au verset 11. Demandez et l'on vous donnera. Amen. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Car quiconque demande reçoit. Amen. Celui qui cherche trouve. Amen. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Lequel de vous donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Bon, ma campé, ma coupé sa cabine. Bon, ma la bino. Zambi, moto, na moto, oyo, a colombaka, a kozoa. Ye oyo akolukaka akomona akojupwela ye oyo akobetaka nani kati na bino soko mwana na ye akolomba ye kwanga akopesa ye libanga soko akolomba mbisi akopesa ye nyoka bone soko bino bato mabe boyebi kopesa bana na bino makabo malamu tata na bino na likolo akoleka te kopesa biloko malamu na bango akolomba ka ye. Jacques chapitre 4. Yakoba Mukapo Emini. Verset 2. Longo. Vous convoitez. Et vous ne possédez pas. Vous allez convoiter. Vous êtes meurtrier et envieux. Vous allez babomiper. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous allez convoiter. Isaïe chapitre 55. Isaïe Mukapo et Tukumi Yamitan. Nous prenons le verset 1 et 2. Kuzam Longo Ya Bosona Yamibale. Vous tous qui avez soif, venez aux autres. Amen. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Pourquoi payez-vous de l'argent? Pour ceux qui ne l'auraient pas. Pourquoi travaillez-vous? Pour ceux qui ne rassasient pas. Écoutez-moi donc. Vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes suppliants. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, notre moment de prière, il s'est passé un peu dans un plus grand calme. C'est comme si parfois, quand c'est le jour d'adoration, les enfants de Dieu sont formatés dans les esprits pour adresser à Dieu des prières silencieuses. C'est un jour d'adoration, une prière. Et on prie tout calmement. Un peu comme quand on attend la prédication. Un peu comme quand on prépare le culte. Non, c'est pas la même chose. Les jours d'adoration, vous priez librement. Si ça vous vient de crier, criez. Adoration et prière. Nous venons pour ça. Il faut que ce soit chaud. Et c'est que les gens même mort. Il ne faut pas dire comme une chose de peur. Là. Non. Ça, c'est les jours d'adoration et de prière. Le message ne nous a pas dit que quand nous proclamons une réunion de prière, venez prier timidement, silencieusement. Venez pas ça. Mais quand nous attendons la prédication, priez calme. Pour ne pas déranger quelqu'un, nous préparons le culte. Le moment de prière est adorable. Ouvrez vos mains. Soyez dégagés. N'étouffez pas l'esprit. J'espère que vous retenez ça. Ça devient comme un système. Bon, une sorte de formalisme là. Un jour d'adoration. Vous connaissez comment on a dit, puis tu me et on dirait que le son, c'est pas entendre seulement quand le pasteur passe à la chaîne. Qu'on découvre qu'il y a des gens là-bas. Et avec ce genre d'attitude, vu qu'on vous donne beaucoup de temps, donc il y en a même qui dorment, qui profitent pour dormir à l'église. Tellement le climat est froid. Mais même dans une mort, il y a quand même des fleurs. On rentre pour aller voir les cadavres. Même qui va se ressaisir après. Même dans une morgue. Nous ne pouvons pas perdre ce tabernacle. Une morgue chaque jeudi soir. Même si c'était une morgue, il y a quand même des cris là. De quelqu'un qui est touché. De quelqu'un qui se souvient de quelque chose. De quelqu'un qui est frappé par quelque chose. Et il défoule ce qu'il ressent. Se contrôle dessus. Les plus fragiles tombent des fois et perdent connaissance. Alors, mes chers amis, ceci n'est pas une morgue. Ceci est la maison de Dieu. Et c'est une maison de prière. Quand c'est le soir de prière, priez. Priez. Ne pas murmurer. Priez. Priez. Tu parles à ton père. Tout le monde vient préparer pour ça. n'aura pas de petits sorciers à côté pour dire on va voir très long comme les tomber mon Congo. Mais pour récupérer, je vais même aller les faire pour les blagues. Non, si quelqu'un oui. fait ça, ce qui nous devrait nous donner, c'est signé au huissier. Il ça, mon songi. Il m'a dérangé. Moi, je suis venu pour prier. Lui, il est venu pour le propos de l'hier. C'est plutôt lui que nous devons interpeller. La maison de Dieu est une maison de prière. Et l'unique moyen pour qu'un enfant possède pour faire entendre sa voix, c'est de pousser des cris. Tous vous les savez. Les petits enfants dérangent. S'embête, il répète des fois les mêmes choses plusieurs fois. Et il ne va pas vous laisser tranquille. Il va donner des gifles. Et il va crier encore plus fort. Parce que lui, il a un besoin. C'est la réponse qui va calmer son besoin. Et il va ici. Comme ça. Bon, alors, ce soir, pourquoi aller là? Notre petite exhortation, c'est de dire, demander à Dieu de bonnes choses. Et les amis, c'est demander à Dieu de bonnes choses. Frère Bosco a levé la main à la joue. Frère Edu aussi. Vous voyez? Quand vous êtes dans une attitude aussi comme ça, ça. Ça peut aussi influencer quelque chose. Ne soyez pas dépassé. Ne soyez pas non plus fatigué. Soyez chacun fort. Demandez à Dieu des bonnes choses. La Bible nous a dit ici dans chaque chapitre 4. Jacques, chapitre 4, le verset 2. La Bible a dit ceci. Et c'est vraiment pertinent. Vous convoitez. Vous allez colula. Et vous ne possédez pas. Vous allez convoiter. Vous êtes meurtrier et envieux. Vous allez m'abandonner dans l'uni. Et vous ne pouvez pas obtenir. Caïn a été meurtrier et envieux. Caïn a salaki, ne peut pas mourir jusqu'à tuer son frère Abel. Mais cela ne lui a pas donné la faveur de Dieu qui lui était privée. Car si on a des personnes qui pendent, c'est déjà un symbole. Le premier qui est pour moi, Mati. Abel a reçu la faveur de Dieu. Abel a vu qui, son offrande a été agréée par Dieu. Mais Caïn est un maman qui n'est pas une femme. Mais Dieu n'a pas jeté un regard favorable sur Caïn et son offrande. Car si dans la fête là qui t'en a, et le peuple Caïn a, il s'est irrité, il a jalousé, il a envié, il a conçu des pensées meurtrières. Cela ne lui a pas donné ce qu'Abel possédait. N'ayez jamais de mauvaises pensées. N'ayez jamais de mauvais sentiments. Attendez-vous à Dieu pour toutes choses. Quand vous avez un besoin, ne vous en prenez à personne. Tous les humains sont vos semblables. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui est envoyé du ciel. Mais ça ne nous fait pas son semblable. Et ton cœur n'est noirci, c'est pas parce que lui a réussi. Il y a quelqu'un qui donne à tous. Il donne à tous et se rapproche. Demande à Dieu de bonnes choses. Ne t'en prends pas ton semblable. Qu'il soit homme ou femme, politicien ou laïc, religieux ou n'importe quoi, allez à Dieu demander. Demandez à quelque quoi. Vous donnera les bonnes choses. Amen. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous allez courir là. Et vous ne pouvez pas obtenir. Et vous Vous êtes meurtrier et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Et vous avez des querelles et des luttes. Peine perdue. Demande à Dieu de bonnes choses. Que tu trouves bon et important. Oh, mais il demande ça à ton Dieu, il te donnera. Il est Dieu, il est tout, il est tout. Il est Dieu, il a tout pouvoir. Il est Dieu, il y a des pleins bloqués. Il est Dieu, il est amour. Demandez à Dieu de bonnes choses. Ne l'oublie pas, frère, soeur, toi, église. Le Dieu, il s'est donné. Il est le meilleur donateur d'ailleurs. Je ne connais pas plus généreux que Dieu. Dieu donne, il donne. Il donne la grâce et la miséricorde. Il donne les faveurs non méritées. Il donne aux justes et aux méchants. Il donne aux bons et aux mauvais. Demandez et vous recevrez. Recevrez Jésus-Christ l'a dit. Oui, qu'est-ce que tu as dit? Faites-le et vous verrez. Vous avez des querelles de lui. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. C'est ça la cause. Vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Beaucoup de prières. Que de prières. Et pas de prières. Demandez et vous recevrez. Demandez à Dieu de bonnes choses. Il ne les a pas pour que ça pourrisse. Il ne les a pas pour que ça ouille. Il les a faites pour que tu agisses. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Dieu est créateur de bonnes choses. Tout ce que Dieu a créé est bon. Demande-lui de bonnes choses. Il est donné la grâce. Est-ce que tu crois de tout ton cœur? Oui. Un serment prêché par Sœur Brenham. Un siècle sans argent, sans rien payer. Sans argent, sans rien payer. Prêché le 2 août 1950. Je crois le paragraphe 124 et 125. Et je vous en souhaite d'avance bon appétit. Bon appétit. C'est avec amour que nous vous disons ces choses. Je dois dire que Dieu est très bon. Il est merveilleux. Il est miraculeux. Il est très bon. Écoutez, mes amis, permettez-moi de dire ceci. Pour terminer, pour moi, je respecte commencer. La seule chose qui rassasie. Et là, comment vous allez comprendre? Les seules choses qui sont véritables. Et comment vous comprenez les seules choses qui sont bonnes. Et comment vous comprenez les qui sont des choses qui ne s'achètent pas à prix d'argent. Et vous allez dire qu'on ressemble à ma catène à mon salon. Amen. Et il faut que ceci, c'est grave là. Amen. Et comment rappeler ça? La seule chose qui rassasie. Et comment vous prenez les amis de les seules choses qui sont véritables. Non, comment vous avez raison, les seules choses qui sont bonnes. Non, comment vous prenez les amis de les choses qui ne s'achètent pas à prix d'argent. Vous prenez les amis de compte. Ceci est le commentaire de Frère Brenham. Le passage biblique ici que nous avons lu. Il y a mon nom de Dieu que c'est naquia. Écoutez-moi donc. Et vous mangerez ce qui est bon. En d'autres termes, c'est dans les paroles de Dieu que vous recevrez ce qui est bon. C'est dans la parole que Dieu vous donne gratuitement que vous obtiendrez ce qui est bon. Amen. Allons-y avec le programme. La seule chose qui rassasie. Les seules choses qui sont véritables. Les seules choses qui sont bonnes. Sont des choses qui ne s'acceptent pas à prix d'argent. Ce sont des dons gratuits de Dieu. Et que nous offre Jésus-Christ. Le salut de l'âme. La joie. Est-ce que toi tu n'en veux pas? Le salut de l'âme. C'est une bonne chose. La joie. C'est une bonne chose. Ça ne s'achète pas à prix d'argent. C'est une chose admirable. Une chose authentique et véritable. Et Dieu vous le donne gratuitement. Par Jésus-Christ. C'est ça la vie. Pourquoi a dit Dieu? Pourquoi pèsez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas? Venez! Mangez! Et rassasiez-vous! Pourquoi pèsez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasiez pas? Écoutez-moi attentivement. Et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera des mets succulents. Prêtez l'oreille. Venez à moi. Écoutez. Et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Ah, il a enchaîné jusqu'au verset 3 et 4. Toutes les choses qui sont dites là, qui sont bonnes, qui sont agréables, qui sont éternelles, sont gratuites. Amen. Elles ne vous coûtent rien. Amen. Ne vous coûtent rien du tout. Amen. À la fin de ce cri de solide, la souffle. L'ami, c'est celui qui veut tienne. Et qu'il boive des eaux de la source de la vie gratuitement. Amen. Sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ceux qui ne vous interdisent pas? Et laissez-vous les choses véritables qui sont gratuites et qui ressaisissent. Il a choisi, vous échappez. Pourquoi vous laissez? C'est les véritables choses qui sont là. Mais vous allez vous investir là où c'est des choses à courte durée. C'est des choses éphémères. C'est vrai? Demandez à Dieu des bonnes choses. Le Seigneur Jésus nous a appris que quiconque demande reçoit. On ouvre à celui qui frappe. Et celui qui cherche trop. Vous là. Méchant que vous êtes. Qui de vous va donner un serpent à son enfant? Lorsqu'il va lui demander du pain. Vous pouvez regarder le pain et avoir un serpent avec sa petite langue ici. Et l'enrouler de telle manière qu'il ressemble à un petit pain là de l'IPAC. Mais c'est un serpent. Et vous avez à côté le même pain là. Regardez. Mais si votre enfant vient vous demander du pain. Qui de vous la voue un pain? Un serpent enroulé en forme de ce pays. Il va donner à son enfant pour que le serpent le morde. Parce que dès que l'enfant va périr, le serpent va se dérouler. Ah, vite, va périr. Alors, toi, qui de vous peut faire ça? Personne. Mon côté. Ou il vous demande de faire, vous donnez une pierre. Ou une pierre taillée en forme de pain. Comme un peu carré. Donc on a dit pas beaucoup carré. Voyez comme ceci. Vous voyez. Et vous prenez une pierre, vous lui donnez cette forme, et la forme de la vie, vous donnez ce genre de foi. Vous Pour qu'il commence à croquer ça. Oui, avant de voir, dès qu'il met là-dedans, il y a les zéros qui entrent là-bas. Du sable. Et quand il essaye de croquer, il est dans ses cartes. Vous serez un peu normal pour faire ce pareil. Vous ne le ferez pas. Mais vous êtes méchant. Parce que vous allez calvoir la nature. Tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu est bon. C'est la source de bonté. L'autre y a de bonté. Nous sous le même de bonté, par excellence. Sera-t-il incapable de vous donner de bonnes choses? Non. Va-t-il vous donner du faux au lieu du vrai? Après que nous avons Dieu ne le fera pas. Ça, soyez sûrs. J'ai encore fait blanc. Dans une autre prédication, la foi est une ferme assurance. Prêché le 12 avril 1900. C'est parmi vraiment les premières prédications enregistrées de Frère Brunan. La foi est une ferme assurance. Pour notre prédiction, la foi est la substance. Condiment est loco. Et Zaragandé est loco. Amen. Ce n'est pas des idées, des théories, des imaginations, des mystères. La foi, c'est la substance. Quand tu as la foi, tu as la chose. Tu en es convaincu et tu possèdes. Tu crois en un Dieu qui ne faillit jamais. Qui répond aux prières. Paragraphe 15. Les jours dans lesquels nous vivons, c'est un jour qui est caractérisé par une paix instable. Les jours dans lesquels nous vivons, c'est un jour qui est caractérisé par une paix instable. Et un repos instable partout. Instable. Les gens courent ça et là. Cherchant tout ce qu'ils peuvent chercher. Presque tout le monde peut se faire des adeptes. Presque tout le monde peut se faire des adeptes. N'importe qui. Il peut se faire des adeptes. Donc avoir des adeptes, ce n'est pas la preuve qu'on a les choses véritables. Et que nous sommes écrasés de colonnes. Presque tout le monde peut se faire des adeptes. Peu importe ce qu'on enseigne. Ou ce qu'on voit. Quelqu'un l'écoute là. C'est les jours dans lesquels nous vivons. Vous êtes là. Vous allez voir là. Et c'est un jour dont les prophètes ont parlé. Les gens, quand ils sont faims, ils mangeront n'importe où. Moutons allez dédier. À Kolia n'importe quoi. À Okipet. Et nous sommes dans un temps de famille. Amos 8. Annoncer une grande famille. Cette famille frappe maintenant la terre entière au plan spirituel. Ce qui fait que les gens mangent n'importe quoi au nom de Dieu. Au nom de la religion. Ils passent à prier de pour tout. Mais ce n'est pas toujours la chose véritable. Nous, nous voulons demander à Dieu de bonnes choses. Et c'est un jour dont les prophètes ont parlé. Les gens, quand ils sont faits, ils mangeront n'importe où. Quand les enfants et les gens crèvent de faim, ils mangeront dans une poubelle. Même dans une poubelle, ils se mettront à manger. Alors qu'avant, ils mangeaient à une belle table. Mais s'ils sont faits, ils mangeront quelque part. Je pense donc que le vrai et authentique ministre de l'évangile, Bassali Moussala, il y a l'automne. Oh, il y a solo. basali musala ya sango malamu. Il devrait être à l'œuvre. Il devrait donner aux gens de bonnes choses. La nourriture au temps convenant. Qui est censé faire ça? Le vrai et authentique ministre de l'Évangile. Mais si toi tu demandes à Dieu de bonnes choses, mais tu es prêt à aller manger n'importe où, à faire n'importe quoi, à te faire adapter n'importe qui, parce que c'est la caractéristique de l'âge dans lequel tu vis. Est-ce que tu vas t'en sortir correctement? Non, Dieu dans sa parole avait dit dans Luc 10, il est toujours sérieux. Luc chapitre 10. Dieu avait déjà dit ceci. C'est ce qui est authentique. Il dit au verset 2. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors, qui n'a pas été, mon ami était l'issol. Ne basali basali, mingite. Na bongo, bondela nkolo, na bilanga yete, ati na basali, kubuke la ye, mbuma. Vous devez demander à tout. Et c'est le yosenga na mkolo bilanga. Au titulaire de l'évangile. Mkolo, sa mamala. Au propriétaire de l'église, c'est Dieu. Mkolo. C'est à lui que vous demandez de vous donner des vrais ministres qui vous apporteront la vraie parole, et à travers la vraie parole vous recevrez des bonnes choses. Ici dans Philippiens 1, nous trouvons la Bible dit ceci. Oh mes amis, Philippiens chapitre 1, le verset 15. Longo et Zumina Itam. La Bible dit ceci. Bible dit que quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de l'esprit. Mais donc les prêchent avec des dispositions bienveillantes. Parmi ceux qui prêchent Christ, qui parlent de Christ à travers le monde, dans les quartiers, les villes de la terre, les villages, dans les différents pays, il y a les deux catégories. Il y en a qui prêchent par envie. Et vous avez le côté qui vous amène aussi le bon chose. Pour commencer, ce ne sont pas des vrais et authentiques ministres de l'Évangile. Et quand vous allez vous faire adhérer des gens pareils, vous savez ce que vous attendez. C'est votre propre responsabilité. Nous devons être sérieux à tous égards. Il ne s'agit pas de jouer avec nos âmes. Soyons sérieux et conséquents. Même à travers les gens qui se regroupent. Écoutez encore dans 1 Corinthiens chapitre 11. Le verset 19. Une vérité à considérer également. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Il y a des groupes qui et ces groupes qui soutiennent ceci, la défense là, et il faut qu'il y ait cela en soi. Et c'est l'église de la bombe. Les gens croient n'importe quoi, ils le mangent n'importe où, même dans une poubelle, à cause de la famille. Il y a ces sectes qui sont là. Mes chers amis, soyez corrects. Soyez sérieux à tous égards. Ne laissez pas n'importe quoi vous emballer. Soyez sélectifs. Sachez choisir et discerner. Ici, dans une prédication intitulée Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, prêché le 18 juin 1961. La prenante dit au paragraphe 57. Maintenant, ne vous éloignez jamais de cette parole. Bon, ne vous éloignez jamais de cette parole. Tu dis amen. Amen. Tu comprends le sérieux des choses. Parce que l'âge dans lequel nous vivons, les gens mangent n'importe où. Ils soutiendront n'importe quoi. Quel que soit ce qui est prêché, ceux qui sont développés, ils sont malins. Quelqu'un se sera adapté de ça. Une secte pernicieuse, une croyance mensongère. Ils suivront ces choses-là. Mais vous demandez à Dieu des bonnes choses. Il faut prendre un dit, ne vous éloignez jamais de cette parole. Souvenez-vous de moi. Je vous en conjure devant Dieu. Restez avec cette parole. Ne vous en éloignez jamais. Et si de telles choses arrivent parmi les gens, et des choses semblables, non, il y a un authentique. Chaque fois que vous avez un faux, qu'il y a un faux dollar, cela montre qu'il y avait un vrai dollar qui a servi de modèle. Quand vous entendez un hypocrite parler à l'âme, vous ne pouvez pas dire qu'il a le Saint-Esprit. Mais souvenez-vous qu'il imite un véritable croyant qui lui a effectivement les dons de parler à l'âme. Quand vous voyez ces fausses choses, souvenez-vous qu'elles ont été imitées à partir des véritables. Dieu est l'auteur de toutes les bonnes choses. Dieu, votre Dieu, est l'auteur de toutes les bonnes choses. Satan est l'imitateur, les séducteurs, les trompeurs, l'aventurier, les sages, c'est le diable, Satan. Mais Dieu, votre Dieu, il est l'auteur de toutes les bonnes choses. Amen. La Bible nous apprend à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera les bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Roi, sois l'un d'eux de ceux qui s'accrochent à la parole. Pour demander au véritable Dieu, notre Père Céleste, de bonnes choses, Dieu te les donnera. Il a né l'auteur. Je le crois comme cela. Il a né l'auteur. Toutes les bonnes choses. Et il les donne gratuitement. Sans argent, sans rien payer. Dieu est l'auteur de toutes les bonnes choses. Mais Satan imite cet homme. Eh bien, si je continue avec cela, nous n'allons pas entamer notre leçon, n'est-ce pas? Oui, il était dans l'Apocalypse, chapitre 5. Mais moi je continue un peu avec cela. Parce que c'est notre petite exhortation. Vous voyez la différence? Ici il avait un commentaire. En passant, alors il était dans un autre terre. Mais Dieu est tellement merveilleux. Regardez comment il est l'auteur de toutes les bonnes choses. Et des choses éternelles. Des choses durables. Des choses fiables. Importantes pour nos camarades. Dieu sait les donner. Ah, il peut te les donner. Il va te les donner. Il a garanti qu'il va te les donner. Alors, et tu es enfant de Dieu. Alors Dieu te donnera cela. Comme il est écrit. Ne vous y trompez pas, mes frères. Toute grâce excellente. Et tout don parfait. Descendez d'amour. Et du Christ de lumière. sur lequel il n'y a ni changement. Et pas le présent, ni ombre de variable. Dieu possède ces choses. Et il les fera descendre. Une chose véritable et il en possède pour ses enfants. Et il a promis de les faire descendre. Ça doit descendre. Et quand tu arriveras chez toi, que ce soit l'une des bonnes choses bibliques ici, parce que tu seras le bienvenu parmi nous. Je lis encore pour terminer, frère Brunan. Je lis un mot d'exhortation. Dans l'autre de l'église, prêché le 7 octobre 1950. Oh, il dit ceci. Le 7 octobre 1958. Le 7 octobre. L'ordre de l'église. Je prends le 65. Et 66. À la fin de cette courte prédication, un petit exposé rappel à l'ordre, la directive pour l'ordre de l'église du Dieu vivant. Puisse chaque personne qui occupe une fonction dans l'église accomplir son devoir en sachant ceci. Que Dieu vous tiendra pour responsable de la façon dont vous aurez rempli votre fonction dans l'église. Est-ce que tout le monde prend conscience? Chacun devra rendre compte de cela. Alors soyons sérieux à tous égards. Soyons sérieux en toutes choses. Quant au laïc et aux sœurs saints qui ont des dons ici dans notre église, c'est donc que Dieu donne. Ceux qui prophétisent, qui parle en langue, qui interprète, qui ont des révélations. Nous sommes vraiment très heureux de votre présence dans la réunion. Que dire, Amen. Vous n'êtes pas ennuyeux pour nous. Vous sommes très heureux de votre présence dans la réunion. Quand il y a réunion, soyez là. Et nous vous apporterons de notre entière collaboration. En quoi? Même vous les bêtises. En tout ce que le Saint-Esprit aura prouvé vous avoir dit. Là, nous vous apporterons notre entière collaboration. Nous ne sommes pas prêts à collaborer avec les sociétés. Avec les demi-tons. Nous vous promettons notre entière collaboration. Dans tout ce que le Saint-Esprit aura prouvé vous avoir dit. Nous vous aimons. Nous croyons que ces dons sont en vous. Et qu'en présentant ces dons à la bonne occasion et d'une manière scripturaire, vous serez des grands compagnons d'œuvre parmi nous. Père et la foi du tabernacle des chrétiens. Et ce que nous croyons et défendons, tout ce que Dieu donne de bon, nous le recevons. Nous soutiendrons cela. Nous collaborerons avec cela de la bonne manière et de que le Seigneur vous bénisse tous. Voilà ma prière sincère. Que le Seigneur vous bénisse tous. C'est aussi ma prière sincère. Et par ceci, finit l'exhortation de ce soir. Demandons à Dieu ces bonnes choses. Il en possède, il en est le créateur. Il a promis de te les victoire. Il n'est pas insensé. Même pas un Dieu amnésique qui oublie tellement. Il a une mémoire vive et éternelle. Il ne oublie rien du tout de ce qui figure dans sa parole. Ayez foi en Dieu. Tenons-nous debout pour la prière. Si le monde t'est privé, et ton argent est ton nom, et que tu dois vivre misérablement, souviens-toi de ta parole, comme il nourrit même les oiseaux, abandonne tes façons à ton Seigneur. Oh, laisse-le, laisse-le, laisse-le, laisse-le, abandonne, abandonne tes façons à ton Seigneur. Ton Jésus, et je crois dans des pays qu'il sera à tes secours. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Si ton corps endure la paix sans recouvrer la santé, ton âme presque noyée dans le désespoir. Oh, Jésus sait ce que tu sens, il peut sauver et guérir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Oh, laisse-le, laisse-le, laisse-le, laisse-le, abandonne, abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Que tes croix sont défaillies, il sera de tes courriers. Quand tes ennemis t'assaillent, ton cœur commence à faiblir. N'oublie pas que Dieu répond. Alléluia. La prière, il fera une voix pour toi, te conduira sûrement. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Oh, laisse-le, laisse-le, laisse-le, abandonne, abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Oui, ton Seigneur, tes étoiles sont défaillies, et il sera de te courir. Si ta jeunesse t'abandonne et tu commences à vieillir, ton corps s'est courbé sous les poids des soucis. C'est qui te l'a pas? Il ne te quittera pas, il ira avec toi jusqu'au bout. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Laisse-le, laisse-le, laisse-le, laisse-le, abandonne, abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Oui, si tu crois, si tu crois, ça ne va pas, il sera de te courir. Oui. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Laisse-le, laisse-le, laisse-le, laisse-le. Abandonne, abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Oui, si tu crois, si tu crois, ça ne va pas. Il sera de te courir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. prie encore un mot de prière. Vibrement. Pas comme dans une morgue. Parle à Dieu. Comme il a dit souffler la volonté. Pas comme un homme essoufflé. Trop fatigué. Dépassé. Qui manque même la volonté de parler à Dieu. Parle à Dieu avec foi. Prions chacun. Je possède un sauveur dans l'amour bien si grand. Il connaît la suprême agonie. Oh, dans sublime océan, quel était mourant, est sauvé dans sa grâce infinie. Je possède un sauveur, dans l'amour péché grand, il connut la suprême agonie. Dans sublime, oh c'est moi, quel était ben mourant, et sauvé dans sa grâce infinie. Conquérir, briser, à genoux, au pied de la croix. Je ne suis sans pardon et mon âme a sauté à trouver le bonheur et la paix. Oh, pour moi, moi, oh, divin, moi, il semble un pécheur tel que moi. Oh, les épines, les épines déchirées sont prêts à de l'âme pour sauver un pécheur tel que moi. Ou pour boire, et je sais moi, ou à nous, vers pécheur tel que moi. Les épines, les épines déchirées sont prêts à adorables pour le poids de Dieu déchiré. Bayonné Dieu le sauveur. Zambou. Sacrifice suprême. Mais capitaine, Colo. Compatissant Jésus-Christ, l'agneau du calvaire, oh, combien de fois nous avons trahi, en commettant le péché, en allant dans les mondanités, nous sommes des traîtres, des indignes, que tu as Dieu d'amour, je suis bon, je suis bon, pitié, Seigneur, aie pitié, miséricorde. Change-nous. Oh Père, grâce de devenir une réalité pour chacun. Grâce qui change le comportement. Transforme le caractère. Pour être capable. Change la nature de chacun. Pour nous revêtir de ta piété, de ta sainteté. De tes manières à toi. Lire de la parole. Demandons les bonnes choses de la vie éternelle. Le pardon des péchés, la délivrance totale, le réveil de la le Saint-Esprit dans l'âme, l'extraordinaire vivant, les véritables puissances de Dieu, confirme la parole, pitié pour nos âmes, pitié pour l'Église, oh Jésus, merci, avant que toi, Ôte de ton cœur toute iniquité. Toute incrédulité. Les zones de doute et d'incrédulité. Toutes les zones de ténèbres. Toutes les forces d'âme de mort. Il est le jour de la délivrance. De toute cette négligence. Amen. Tu ne pries pas assez. Tu ne pries pas beaucoup. Tu ne pries pas longtemps. Tu ne pries pas avec foi. Tu ne pries pas avec foi. Tu ne pries pas avec foi. Donne la bonne vie spirituelle. La vie de prière. La flamme de réveil. Le feu divin. Le même feu divin. Qui avait embrasé Pierre. Qui avait embrasé Tabitha d'Orcas. Qui avait embrasé Solitas. Qui avait embrasé Sienna. Le même feu divin. Qu'il t'embrasse aussi maintenant. Car tu serais le même Dieu. Dieu bien-aimé, nous t'adorons, nous confessons, nous te supplions, pardonne-nous Seigneur, laisse que le sang de l'agneau immolé, Jésus-Christ, touche nos cœurs, touche chaque âme, touche chaque esprit, touche chaque personne, ne rentre pas les mêmes, entre changer, entre visiter, tu es capable de le faire. Jésus-Christ, nous prions et croyons. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu soit loué. Amen. Amen.